Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons aborder la gestion du sommeil, une émission que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, Dorothée Lacroix, qui est sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour. Eh bien, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Présent. Alors, le sommeil est un pilier de notre santé physique et mentale et pourtant, nous sommes très nombreux à nous plaindre de mal dormir. D'après la dernière enquête de Santé publique France, près de 7 adultes sur 10 se plaignent de problèmes de sommeil en lien avec des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes ou la sensation d'un sommeil non récupérateur et ce, de manière ponctuelle ou chronique. Alors, le sommeil est incontestablement devenu un problème de santé publique, l'occasion d'en comprendre les raisons mais aussi de tenter de trouver des solutions avec donc Dorothée Lacroix, donc sophrologue. Alors Dorothée, pourrais-tu nous expliquer pourquoi le sommeil est une préoccupation de santé ? Bien sûr. Eh bien Jérôme, comme tu l'as très justement dit, c'est un pilier de notre bonne santé physique et mentale. Saviez-vous que le sommeil représente plus d'un tiers de notre vie ? Cela veut dire que à 30 ans, nous avons déjà passé 10 ans à dormir. De quoi illustrer parfaitement la place qu'il occupe dans notre rythme biologique. Selon le baromètre de Santé publique France, le temps moyen de sommeil des Français est de 6h58 en semaine et de 8h le week-end. Ce n'est pas le temps le plus court de la planète, mais il recule peu à peu dans des proportions inquiétantes chaque année pour certaines catégories de la population. Il est fort de constater que plus de la moitié des Français se sentent fatigués. En effet, 35% des Français et Françaises dorment moins de 6 heures. Est-ce que c'est ton cas, Dorothée ? Moi, c'est entre 7 heures et 8 heures. Oui, je suis à peu près pareil aussi. On est au-dessus de la moyenne. Alors effectivement, la dette de sommeil des Français augmente et les déficits se creusent d'année en année. On peut même parler d'épidémie de fatigue. Mais la vraie question, c'est la fatigue qui touche notre société actuelle, est-elle seulement physique ? Et c'est là toute la difficulté. Parce que identifier de quelle fatigue parle-t-on et comment y remédier ? Il y a effectivement des fatigues où le repos physique ne suffit pas. La réponse n'est pas toujours physiologique. Elle peut être aussi psychologique ou émotionnelle. Nous vivons dans une ère où la fatigue s'alimente sous toutes ses formes. On parle même de fatigue contemporaine plurielle, fatigue du corps que les nuits ne suffisent plus à soulager, fatigue des consciences dénuées de rêves et d'espoir, et parfois même une fatigue existentielle, la résultante d'une blessure par rapport à un système auquel on s'est conformé. Alors, je suppose, Dorothée, que le sommeil est l'une des préoccupations clés des personnes qui se tournent vers la sophrologie. Alors, y a-t-il un profil type du patient qui vient consulter pour des soucis de sommeil ? Alors, les troubles du sommeil sont un motif de consultation assez fréquent. Alors, ces troubles du sommeil peuvent être chroniques ou aigus, mais avant de se tourner vers des interventions non médicamenteuses, comme la sophrologie, l'hypnose, la méditation ou encore l'acupuncture, eh bien, il faut toujours d'abord consulter son médecin pour être certain que ces difficultés de sommeil n'aient pas une cause médicale. Je pense notamment aux troubles du sommeil donc, qui peuvent être liés à la respiration, comme les apnées du sommeil ou à d'autres maladies. Les interventions médicamenteuses comme la sophrologie vont intervenir surtout dans les causes psychologiques et émotionnelles des troubles du sommeil. Et pour répondre à ta question, Jérôme, il n'y a pas de profil type de patient. Ce qui est surtout observé, c'est lorsque les causes physiologiques du trouble du sommeil sont écartées, ce sont surtout des problématiques de stress et d'anxiété qui causent des difficultés de sommeil. Donc, cette problématique touche toutes les générations et particulièrement les jeunes, c'est ça, Dorothée ? Oui, ça concerne toutes les générations et effectivement, on observe que les jeunes sont aussi touchés par ce phénomène, notamment une proportion de lycéens qui ont une baisse du temps de sommeil. Mais on observe aussi depuis quelques temps que cela se déplace vers les collégiens, donc c'est-à-dire de plus en plus jeunes, des troubles du sommeil sont observés. Et c'est vrai qu'à cet âge, eh bien, la carence de sommeil a des répercussions importantes puisque ça peut affecter leur croissance, la maturation de leur système nerveux ou encore leur capacité d'apprentissage et de mémorisation. Donc je suppose donc que ces troubles donc, de sommeil chez les plus jeunes, c'est directement lié aux réseaux sociaux. Alors ça peut, oui, effectivement, on peut toujours avoir des problématiques de stress ou d'anxiété derrière, mais aussi c'est vrai qu'il y a une grande tendance aujourd'hui, c'est de détourner son temps de sommeil vers les réseaux sociaux, qui ne nous incitent pas à déconnecter pour le coup. Tout à fait. Alors, quand on parle trouble du sommeil, on pense à l'insomnie. Or, il existe en réalité d'autres troubles liés au sommeil, Dorothée. Oui, tout à fait. Effectivement, l'insomnie, en fait, ça signifie tout simplement une privation de sommeil. Mais ce terme regroupe l'ensemble des troubles qui se caractérisent par un sommeil insuffisant. Alors, on a, pour les citer, les troubles du sommeil liés à la respiration. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être l'apnée du sommeil ou une hypoventilation. On peut avoir aussi des hypersomnies. Alors, ça se définit comme un temps de sommeil excessif en journée et qui ne vient pas compenser une quelconque privation de sommeil. On peut avoir aussi des troubles du rythme, donc entre veille et sommeil. Il y a aussi des parasomnies. Alors, ce sont des comportements indésirables et plus désagréables. Vous les connaissez tous. Les plus répandus sont les cauchemars, le somnambulisme, les terreurs nocturnes et les éveils confusionnels, donc qui sont plutôt présents chez les enfants. Il y a aussi l'énurésie, donc c'est l'incontinence urinaire nocturne, et le bruxisme, le grincement des dents. On peut aussi observer des troubles moteurs du sommeil, c'est ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos, et voilà. Alors tu as dit tout à l'heure, donc le sommeil est la clé de son équilibre, alors peux-tu justement nous préciser les conséquences d'un mauvais sommeil ? Alors le sommeil joue un rôle important et les conséquences d'un mauvais sommeil ont un impact sur eh bien, le maintien de la vigilance à l'état de veille. Par exemple, on peut somnoler dans la journée ou avoir aussi des troubles de l'attention. Ça ne permet pas non plus la bonne reconstitution des stocks énergétiques de nos cellules musculaires et nerveuses. On peut aussi rencontrer des états de nervosité et d'irritabilité. On peut aussi eh bien, avoir un système immunitaire qui soit affaibli. Il faut savoir aussi qu'un bon sommeil permet la régulation de l'humeur et donc de gérer, de réguler le stress. Et puis, comme on le disait tout à l'heure aussi chez les jeunes, mais aussi c'est valable chez les adultes, le sommeil nous permet de favoriser nos mécanismes d'apprentissage, de mémorisation. Alors bien sûr, il y a plein d'autres facteurs sur lesquels le sommeil agit, puisqu'il permet aussi de diminuer les risques de diabète et cardiovasculaire. Voilà, ces exemples que l'on cite qui ne sont pas exhaustifs, eh bien, montrent quand même l'impact, et en tout cas, du moins, l'importance d'avoir un bon sommeil. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sommeil n'est pas du temps perdu. Il permet vraiment de se régénérer. Tout à fait, donc Dorothée. Alors justement, après la pause musicale, on va donner donc des conseils pratiques à nos auditeurs pour justement retrouver un sommeil plus équilibré. Alors on a pris l'habitude au cours de cette émission de faire des petites pauses donc musicales. Alors je crois que Dorothée, tu vas nous proposer donc un premier choix qui va nous réveiller. Oui, tout à fait. Alors c'est le groupe Maneskin, Begin, c'est une reprise bien sûr. Eh bien on retrouve tout de suite donc le groupe Maneskin. Out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end. So any Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, baby. I'm begging. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chewing? What we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trying to the good, I went up in the feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can't give it away, you have and you take the bait, but I keep walking on, keep moving the door, keep open for, that the door is yours, keep also home, 'cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging, yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is like. I'm begging, begging you put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous écoutez l'instant présent, l'occasion d'aborder le développement personnel. Et ce mois-ci, nous allons aborder donc le thème donc de la gestion du sommeil. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué un état des lieux donc des différents troubles du sommeil, de ses conséquences. Et maintenant, nous allons passer à la partie pratique. Alors Dorothée, tout d'abord, quelles sont donc les bonnes dispositions à prendre pour tenter de bien dormir ? Alors, bien dormir, ça signifie quoi ? On sait que la durée du sommeil reste une donnée importante, mais ce qui est tout de même important, c'est de savoir si son sommeil est de bonne qualité. En plus, on a tous des besoins et des durées différentes par rapport au sommeil. Le premier exercice que je vous propose, c'est de vous poser ces questions afin de faire une sorte d'état des lieux de votre sommeil et de voir comment vous répondez à chaque question. La première question, c'est comment je me sens déjà dans l'endroit où je dors, dans ma chambre. Est-ce que dans cette chambre, je peux observer aussi du bruit, des lumières qui peuvent me gêner ? Est-ce que ma literie est OK ? Est-ce qu'elle me convient ? Est-ce qu'aussi la température de la chambre est adaptée ? Puisqu'on sait que il vaut mieux avoir une température plutôt basse au niveau de l'environnement dans lequel on dort. Ensuite, c'est le matin au réveil. Comment ça se passe ? Est-ce que je me lève facilement, plein d'entrain et de vitalité ? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de rester au fond de mon lit et je n'ai aucune énergie ? Où est-ce que je mets, en fait, où est-ce que je place la jauge de mon énergie sur une échelle de 1 à 10 ? Comment je suis ? À peu près en moyenne les matins quand je me réveille. Et puis aussi d'observer comment se passe sa journée. Ce n'est pas qu'au moment du coucher ou au réveil, c'est est-ce que j'ai des difficultés à me concentrer, à écouter ce qu'on me dit au cours de la journée, et est-ce que parfois aussi il m'arrive d'avoir envie ou même de m'assoupir. Voilà, c'est aussi donc toutes ces questions à se poser. Et aussi de porter attention à est-ce que j'ai souvent des problèmes pour m'endormir ou est-ce que je m'endors assez facilement. Je veux juste quand même aussi préciser que les troubles du sommeil sont présents quand on a des difficultés par rapport au sommeil, à s'endormir, des réveils nocturnes, lorsqu'ils sont depuis quelque temps installés sur plusieurs jours par semaine. D'accord ? Depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça nous arrive tous de passer une mauvaise nuit de temps en temps et ce n'est pas qualifié comme un trouble du sommeil. Bon, je suis un peu rassuré avec toutes les prédispositions parce que pour l'instant, effectivement, je coche plutôt de manière positive toutes ces questions. Mais moi, j'apprécie quand même faire une sieste dans l'après-midi quand je ne travaille pas. Alors, est-ce que tu conseilles justement une sieste en début d'après-midi ? Alors, en tant que sophrologue, j'ai une préférence pour la relaxation. C'est vrai que je préconise un temps de relaxation de 20 minutes, mais la sieste, à condition qu'elle dure entre 10 à 20 minutes maximum, a aussi des effets bénéfiques. Pourquoi est-ce que j'oriente plutôt vers la relaxation ? Bien, tout d'abord parce qu'elle a des effets de récupération qui sont plus profonds que la sieste. Parce qu'en plus d'une récupération physique, la relaxation permet aussi de déconnecter avec sa charge émotionnelle et mentale. Elle permet de digérer ses émotions, de se connecter pleinement à son corps, mais aussi de prendre conscience de la réalité de sa fatigue. Est-ce que c'est une fatigue physique, émotionnelle, mentale ? Ça permet d'être dans l'instant présent et de calmer son flot de pensée. Alors quand tu parles de relaxation, c'est-à-dire que tu peux dire méditation ? Alors la relaxation, c'est plus un moment où l'on va se poser et où on va relâcher chaque zone du corps. D'accord. On recherche vraiment un état de détente, c'est-à-dire un abaissement du tonus musculaire. Donc on peut s'allonger sur son lit, donc simuler une sieste si tu veux, et faire effectivement de la relaxation. Exactement, la seule différence c'est qu'on ne va pas s'endormir comme la sieste. Mmh. Et la différence avec la méditation, c'est que lorsque l'on médite, on ne recherche pas un état de relaxation. Mmh. On est pleinement présent. Voilà. Et donc effectivement, la relaxation permet aussi de ne pas entamer sur son capital sommeil de la nuit, puisque de cette façon, comme on ne s'endort pas, on respecte les cycles nuit et jour. Et c'est plutôt favorable, notamment pour les personnes qui cumuleraient une dette de sommeil très importante, puisque dans ce cas-là, effectivement, la sieste n'est pas forcément conseillée, puisqu'elle peut empiéter sur son capital sommeil. Donc, il faut donc accorder un temps de pause et de détente. Et cela peut être associé avec techniques respiratoires ? Oui, tout à fait. La respiration ventrale permet de sombrer plus profondément et plus facilement dans la détente musculaire. Une sorte de lâcher prise. Et plus on va pratiquer ces exercices de détente respiratoire, ou parfois même aussi ça peut passer par du yoga, eh bien, on pourra créer un terreau favorable dans notre corps à un lâcher prise au moment du coucher. En effet, il ne faut pas oublier que le moment où l'on se couche, où l'on s'endort, c'est un lâcher-prise physique et mental, une connexion avec son corps. Et ne pas oublier que c'est quand même un plaisir de dormir et d'avoir cette sensation de lâcher-prise. Alors justement, peux-tu nous proposer un petit exercice à nos auditeurs donc au moment donc du coucher ? Alors au moment du coucher, ce qui est peut-être important de faire, c'est de ne plus banaliser ce moment où l'on va se coucher. C'est-à-dire un petit peu de le ritualiser et de prendre conscience que c'est un moment important pour soi, pour son corps, pour sa santé. Et que c'est un moment aussi de plaisir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de remettre un peu de pleine conscience au moment où je vais me coucher. De prendre conscience que je retire mes vêtements de la journée, que c'est une sorte de transition entre tout ce que j'ai pu vivre au cours de cette journée et le moment où je vais me mettre un petit peu dans une bulle de bien-être, une bulle de repos. Ça peut être aussi de prendre le temps de passer à la salle de bain, de pousser de façon consciente la porte de sa chambre, comme si c'était une transition entre la fin de ma journée et le début de ma nuit. Et puis d'observer aussi la pièce où l'on est pour conscientiser que l'on est dans sa chambre, que la journée est terminée et que c'est le moment, de lâcher prise avec tout ce qui a été, d'être finalement dans l'instant présent. Et puis on peut aussi, en fonction de comment on aime l'endroit de son lit, comment on s'y sent, ressentir le maintien du matelas, la chaleur et le poids de sa couverture, sentir aussi le contact de sa tête avec son oreiller, et puis de porter tout doucement attention à sa respiration, sans forcément chercher à l'intensifier, mais juste en l'observant et en se laissant bercer par les mouvements respiratoires à l'intérieur du corps. Et on peut aussi, si on y arrive facilement, imaginer que notre corps se dépose et s'enfonce profondément dans le matelas. Tout ça pour créer un moment agréable de lâcher prise et de permettre à son corps, eh bien, de dormir profondément. Alors, tu parlais de la respiration, je pense que c'est très utile de se concentrer justement sur cette respiration lorsqu'on a tendance à trop cogiter, c'est ça Dorothée ? Oui, tout à fait. Là, on va être un peu plus dans des techniques méditatives où l'on va vraiment renouer avec l'instant présent, puisque parfois, au moment de l'endormissement, ou si on se réveille la nuit, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas complètement lâché avec la journée qui s'est déroulée, ou qu'on anticipe la journée du lendemain. Et donc, remettre de l'instant présent à ce moment-là, en restant sur la respiration et en essayant de laisser passer ses pensées, eh bien, c'est effectivement un exercice favorable pour se laisser sombrer dans le sommeil profond. Alors, je crois que tu proposes donc à nos auditeurs un petit cadeau bonus, justement. Oui, tout à fait. Effectivement, je vous propose un exercice en audio qui sera donc déposé sur notre page où vous pourrez retrouver tous les replays sur la page de Radio Fadjet. On déposera le lien sur les réseaux sociaux et vous pourrez donc effectivement retrouver ce petit cadeau bonus et tester cet exercice. Alors Dorothée, que penses-tu de nombreuses applications du style dont Petit Bambou, Seven Mind qui proposent donc des exercices pour mieux s'endormir ou des solutions technologiques connectées qui permettent de mesurer la qualité du sommeil ou favoriser l'endormissement ? Alors effectivement, par rapport à toutes ces applications que bon nombre de personnes utilisent, je n'ai pas vraiment d'avis. Mon avis, c'est plutôt que si ça aide effectivement la personne à favoriser un sommeil profond et qu'elle se retrouve dans ces méthodes, pourquoi pas ? Après, moi, par profession, je pense sincèrement effectivement que chaque personne dispose de ressources, ses propres ressources, pour pouvoir accéder à un sommeil récupérateur et pour apprendre à gérer sa fatigue. Et voilà, après, il y a autant de solutions que de problèmes de sommeil, que de personnes. Mais effectivement, pour moi, la seule connexion à laquelle je crois profondément, c'est celle de revenir au corps et non pas à des appareils connectés. Tout à fait. Alors, donc, Dorothée, deuxième pause musicale, peut-être l'occasion d'écouter une musique relaxante à écouter au moment du coucher. Oui, tout à fait. Je vous propose d'écouter un petit extrait pour vous placer dans une bulle sonore. C'est Falling Into You. Eh bien, on écoute tout de suite cet extrait musical. Thank you. Voilà, il ne faut pas hésiter donc à écouter ce genre de musique relaxante, donc, n'est-ce pas Dorothée ? Donc c'était donc, ici donc, un extrait Océan, c'est ça ? Oui, Falling into You. Falling into You. Alors donc, dernière partie de l'émission, donc l'instant présent autour de la problématique du sommeil. On n'a pas parlé d'exercice physique, je pense que c'est important aussi pour bien s'endormir de pratiquer régulièrement des exercices physiques. Eh oui, parce que l'activité physique permet de réduire le stress. Et donc effectivement, si on fait de l'activité physique au cours de la journée, eh bien ça permet aussi de plus facilement relâcher les tensions et se laisser aller dans un sommeil profond. Après, il faudrait quand même aussi éviter l'activité physique après 22 heures, qui pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de trop nous stimuler. De même qu'il faut éviter les écrans. Avant, on n'en a pas parlé, oui, mais ça va de soi, ouais, tout à fait, d'éviter les écrans, la lumière bleue. Voilà, tout ça, c'est défavorable effectivement à un bon sommeil. Alors moi, j'aime les citations inspirantes. Alors autour de la problématique du sommeil, moi, je te propose ce proverbe français. Le sommeil est la moitié de la santé. Mmh. Et alors, Dorothée, une citation à partager également ? Oui, alors moi, j'ai trouvé celle-ci. C'est « La plus belle récompense de l'homme, c'est encore son sommeil ». Et c'est un écrivain français, André Hardelet. Alors pour terminer, donc Dorothée, des références d'ouvrages qui permettent de compléter notre entretien ? Alors oui, je conseille aux auditeurs qui souhaitent aller plus loin sur cette question du sommeil, et bien s'ils veulent, ils peuvent faire un diagnostic de leur sommeil en se rendant sur le site de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Donc c'est un site plein de ressources pour mieux comprendre voilà, tout comment fonctionne le sommeil, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, y trouver des solutions. Donc l'adresse est institut-sommeil-vigilance.org. Exactement. Je vous conseille aussi la série de podcasts en 4 épisodes sur France Culture qui s'appelle 1, 2, 3 sommeil. Et puis, bien, on n'en a pas parlé, mais lire avant de s'endormir, c'est aussi très bénéfique. Alors, aux auditeurs qui aiment les livres, moi, je vous conseille mon dernier coup de cœur littéraire, c'est Marie Vareille, Les Désenchantés. Très bien, ben j'espère que nos auditeurs qui ont des soucis de sommeil bien, vont tirer profit de cette émission. Le temps passe très vite, Dorothée. Alors, si vous avez pris donc, l'émission en cours, sachez que vous allez pouvoir nous retrouver donc, sur donc, le site de Radio Fadjet dans la rubrique donc, L'Instant Présent. Voilà, Dorothée, on se retrouve donc fidèle au poste le mois prochain. Avec plaisir. Voilà, pour un nouveau donc, rendez-vous donc, de L'Instant Présent. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester présent et de rester fidèle à Radio Fadjet. À bientôt.